L'actualité à Nancy et ailleurs. La commune de Réméréville nous invite le dimanche 3 juin à remonter le temps puisqu'une grande exposition de véhicules anciens est organisée. David Pierre, bonjour. Bonjour Monsieur Antoine, merci de m'accueillir sur votre antenne. Mais c'est avec plaisir. Donc vous êtes adjoint à l'animation donc pour la mairie de Réméréville et voilà, vous êtes organisateur de ce rendez-vous. C'est une première pour la commune ? Oui, c'est une première. Nous voulions diversifier un peu nos animations. Donc j'ai eu l'idée d'organiser une exposition de véhicules anciens et de collection. Donc on aura des voitures, des anciens tracteurs, des vélos, motos, mobilettes, triporteurs et puis également des maquettes de trains. Comment on arrive à réunir tout ça? En plus, c'est une première fois. Donc comment vous avez fait pour réunir tout ce beau monde? C'est un travail de longue haleine, hein, car ça fait quasiment un an et demi que je travaille sur ce projet, à prendre des contacts, à trouver du monde, hein, avec des fois des belles surprises, hein, comme le village 1900 d'Oxaronval qui va venir avec une voiture de 1906. Mmh. Et puis, de temps en temps, des gens qui se désistent parce qu'ils sont pris ailleurs ou ils ont d'autres activités. Mais voilà, là, on est paré maintenant. J'ai même réussi encore à retrouver quelques véhicules ce week-end, parce que sur notre secteur, il y avait une exposition sur la Nevelotte et également sur la commune de Metz. Oui. Et on devrait avoir environ 80 voitures, plus tout ce qui est vélo, tracteur, etc. Donc une belle exposition. C'est une animation qui est totalement gratuite. On peut se rendre sur place librement. Oui, totalement gratuit. Et on dédie cette journée à l'association Lina Ma Poupée Angelman. C'est une association portoise. Lina est une petite fille victime d'une maladie génétique. Et nous voulions donc, par le biais de notre manifestation, les associer. Et on proposera sur place des enveloppes surprises toutes gagnantes afin que les gens puissent participer. On reversera la collecte à l'association de l'INA. Voilà donc une belle occasion d'associer le plaisir des yeux avec cette belle exposition que vous nous proposez donc pour le dimanche 3 juin et de rendre service à cette association et à la petite Lina. Voilà, tout à fait. Et ça a donné également un engouement supplémentaire aux participants car ils savaient qu'il y avait une action humanitaire sur ce projet. Et nous aurons également le dimanche après-midi la présence d'une délégation des Miss Pin-Up Région Grand Est. Un petit retour sur l'exposition. Quel type de voiture, vous avez cité déjà tout à l'heure un modèle proposé par Exaronval. Quel type de voiture vous êtes le plus fier peut-être que vous allez pouvoir proposer ce jour-là? Alors nous aurons une Simca Chambord. On aura également un très très joli combi Volkswagen. Et puis également des véhicules type Excalibur, Alpine Renault, Corvette également. Donc des beaux modèles à exposer ce jour-là. Tous les exposants, ils viennent bénévolement en plus, hein. Voilà, tout à fait. Tous les exposants viennent bénévolement et on a eu la chance d'avoir un partenaire privilégié qui est un supermarché de Saint-Nicolas-de-Port qui offre la collation et le repas du midi à tous les exposants. Eh bien écoutez, Monsieur Pierre, merci beaucoup. Il y aura d'autres animations sur place ? Sur place, il y aura également une structure gonflable mise à disposition par l'association Picos Événements qui nous offre cette structure pour la journée afin que les enfants puissent s'amuser dessus. Ah, ça commencera à quelle heure le dimanche 3 juin ? Dès 9h30 jusqu'à 18h. Et la commune de Réméréville, pour la situer, c'est par où ? Alors la commune de Réméréville, elle se trouve derrière Pulnois. Hein, vous passez Pulnois, Serville et vous arrivez sur Réméréville. Voilà, donc c'est tout à côté de Nancy. À côté de Nancy, 17 km, Réméréville, c'est le triangle, c'est la pointe du triangle. On est à 17 km de Lunéville, Château-Salins et Nancy. Voilà l'occasion de passer une belle journée et au profit donc de l'association Lina Ma Poupée d'Angelman. Merci beaucoup Monsieur Pierre. Merci Monsieur Antoine. L'actualité à Nancy et ailleurs, c'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.